Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de commencer cette journée du mardi 23 février avec un autre jour est possible, votre réveil culturel. Pour commencer, tête chercheuse. Depuis hier, Pauline Rossi nous raconte l'histoire des projets pour inventer le Grand Paris. Projet du début du XXe siècle avec les Lesages jusqu'à aujourd'hui. Dans un instant, deuxième épisode de notre série. Et aux alentours de 6h15, en guise de proposition de livre, un polar ancré sur le réel et écrit par un médecin. Denis Lemasson sera mon invité de deuxième partie. Merci d'être de plus en plus fidèle à ce rendez-vous si matinal, même si vous ne nous écoutez pas en direct, en passant par l'écoute en ligne par exemple, ou le podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Les paris du Grand Paris avec Pauline Rossi, notre tête chercheuse de la semaine. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Simon Texier de l'ouvrage Les Lesages, un siècle d'architecture et d'aménagement de Paris au Grand Paris, c'est aux éditions La Découverte, et que vous êtes enseignante par ailleurs au département art de Valenciennes. Aujourd'hui, deuxième épisode, une fois qu'on a parlé de cette famille d'architectes, les Lesages, aujourd'hui on va essayer de parler de ce fil rouge entre les trois générations des Lesages. Et donc, du coup, du Paris post-haussmannien. Alors, sur ce Paris post-haussmannien, c'est justement, ça a été une des découvertes ou redécouvertes d'un sujet qu'on croyait pourtant assez bien défriché, c'est-à-dire c'est le cas des lotissements post-haussmanniens. Donc, nous sommes dans le Paris périphérique, c'est-à-dire dans la petite banlieue qui est comprise entre l'enceinte des fermiers généraux et les fortifications de Thiers. Ce territoire est annexé en 1860. Haussmann lance les grands travaux que nous connaissons tous, mais va s'en suivre, cet effort d'homogénéisation de la ville va se poursuivre tout au long des années qui succèdent, et y compris avec un effort énorme sous la Troisième République. Et c'est là encore l'occasion de voir les travaux des Lesages, puisque Charles Milgen et Victor Lesage ont construit énormément d'immeubles de rapport dans le Paris périphérique, avec toujours ce tropisme un peu tourné vers l'est de la capitale. Pourquoi d'ailleurs ? Alors pourquoi ? Parce que déjà, Victor Lesage était un homme engagé, un architecte mutualiste qui a beaucoup œuvré dans des associations, enfin des œuvres sociales. Et donc, effectivement, cet engagement l'a conduit à plus œuvrer dans un est parisien que l'on assimile au populaire. Populaire, et etc. Et donc, effectivement, ce sont des immeubles de rapport qui ont été la plupart du temps implantés dans le 20e, 11e, 12e arrondissement. Donc, c'est par ce biais-là que Victor Lesage permet de détricoter en réalité ces fameuses façades post-haussmanniennes qui sont très souvent signées de l'architecte, parfois de l'entrepreneur avec une date, et qui nous offrent un paysage que l'on ne questionne presque plus, puisqu'on le fréquente tellement en tant que parisien qu'on n'y pense plus. Mais on arrive ici véritablement à rentrer dans les coulisses de cette architecture, comprendre les enjeux de réseau, c'est-à-dire comment telle adresse est repérée par le biais de tel entrepreneur, de telle connaissance. Et c'est là véritablement qu'on entre dans les coulisses de la ville, qu'on arrive à comprendre comment elle se façonne au jour le jour, quasiment. Alors qu'est-ce qu'on détruit et qu'est-ce qu'on reconstruit à la place ? Alors très souvent sur ces parcelles, en réalité, ce sont les dernières grandes opportunités foncières de la capitale. Vous avez par exemple la prison de la Petite Roquette dans le 11e arrondissement qui a été démolie et qui donc donne lieu à un grand plan de lotissement. Alors un lotissement qui va être encore un peu à l'image de l'Est parisien, c'est-à-dire ça va prendre énormément de temps. Les investisseurs sont parfois plus frileux qu'à l'ouest. Et donc, il s'agit donc de continuer l'haussmannisation de la ville après Haussmann par le biais de ces dernières grandes opportunités foncières. On voit le même phénomène avec la rue Rial de Hénin qui borde le bassin de la Villette, qui petit à petit, là aussi, va se surbaniser de façon très intensive, vraiment au crépuscule du 19e siècle, tout début 20e siècle. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'uniformiser un peu l'architecture de Paris, c'est-à-dire de donner l'équivalent de l'Ouest parisien au quartier populaire de l'Est, ou au contraire d'affirmer cette différence à travers l'architecture ? Effectivement, il y a un effort d'homogénéisation très fort. Les faubourgs parisiens sont par définition des quartiers de la ville établis un peu à moindre coût. C'est-à-dire que ce sont des lieux où on s'implante en arrivant dans la capitale et qui donc vont être construits avec des matériaux moins nobles, souvent à moindre coût. Donc ce sont des constructions en pan de bois et moellons enduits de plâtre. Donc on appelle cette architecture l'architecture blanche, de très faible densité, et en réalité la ville parisienne, la ville lumière qui commence à se dessiner avec Haussmann, demande énormément de densité urbaine. Et donc dans ces faubourgs, dès la période post-haussmannienne, l'enjeu est aussi d'élever les hauteurs, et donc il faut s'imaginer que pour un faubourien de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en réalité un quartier très haussmannisé, c'est presque le quartier de la Défense pour lui. Il y a un changement d'échelle qui est énorme, et donc c'est véritablement une course à la modernité qui se traduit par un paysage urbain dont on a hérité aujourd'hui. Et cette course pour la modernité, elle est unanimement partagée à l'époque ? Oui, je pense. Effectivement, après, il y a des faubourgs qui ont leur identité propre. Et pour avoir commencé mes études sur le cas si particulier du faubourg Saint-Antoine, on voit bien qu'il a conservé, lui, cette figure un peu faubourienne qui fait son charme. Mais effectivement, de toute manière, la ville, ne serait-ce que par besoin foncier et financier, demande, est en quête de modernité perpétuelle. Un immeuble haussmannien offre beaucoup plus de rapports, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs des immeubles de rapport, qu'un immeuble faubourien de 3 étages et qui en plus n'a pas forcément l'eau et les gaz à tous les étages. Et là, on comprend que cette course à la modernité, c'est aussi un enjeu financier énorme. Mais la voirie est aussi un facteur de modernité. C'est-à-dire que l'avenue et le boulevard haussmannien n'a rien à voir avec une rue faubourienne. Une rue faubourienne, c'est un chemin piétonnier, sinueux, qui s'est sédimenté petit à petit et qui du coup, un tracé qui n'a rien de comparable avec la belle avenue tracée d'un seul tenant, haussmannienne ou post-haussmannienne. Donc effectivement, ça se traduit aussi par la voirie et par les efforts en termes de circulation. Ces avenues permettent aussi de drainer les biens et les personnes. Et là encore, c'est un facteur très important dans ce 19e siècle où tout s'accélère énormément. Alors, vous précisez, Pauline Rossi, que le Paris post-haussmannien restera, par exemple pour les Lesages, un Paris haussmannien. Il n'est pas question de remettre en cause ce Paris haussmannien, mais bien au contraire, de le développer dans des quartiers qui sont en friche, ou pratiquement en friche, en passant par quelque chose que vous appelez, vous, le paysage anonyme mais dominant. Comme un certain éloge de la discrétion. Oui, effectivement, c'est un peu c'est en plus un axe de recherche historique qu'il est très difficile de mener. On a plusieurs solutions s'offrent à nous. La solution de la statistique, c'est-à-dire embrasser le plus important nombre d'immeubles, soit en passant justement par des catalyseurs tels que des personnages que l'on peut suivre et qui auraient énormément construit dans certains quartiers. Et c'est là qu'on arrive à sortir de cet anonymat certaines figures en reconnaissant le nombre ou la qualité des constructions qu'ils ont élevées dans certains quartiers de la capitale. L'avenue Le Druolin, qui est donc une percée post-haussmannienne, qui est effectivement un paysage très hétérogène quand on l'arpente de bout en bout. Mais on se rend compte que dans cette avenue Le Druolin, deux réalisations des Le Sage se succèdent à quelques mètres d'écart et à quelques années d'écart. C'est-à-dire un premier immeuble très typique des années 1880-1902 au début de l'avenue. Et puis un peu plus loin, un immeuble année 1920-1930 qui nous montre aussi l'évolution de l'agence qui essaye de suivre les goûts et qui essaye de suivre aussi les capacités des entrepreneurs qui travaillent avec elle, puisque c'est une agence qui a énormément mis en avant justement ce partenariat entre les entrepreneurs d'un côté et les architectes de l'autre. Et donc voilà, le paysage de l'avenue Le Druolin, on peut l'appréhender par cette famille, puisqu'il y a deux immeubles qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas du tout. En quoi la période, l'époque, la belle époque du coup, va influencer le choix des Le Sage? Alors là, c'est une grande question. Une grande question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense que si la période a influencé leur réalisation, parce que de fait, l'architecture permet à la vie d'évoluer. C'est-à-dire que la ville doit s'adapter aux nouvelles pratiques et la Belle Époque suscitant énormément de pratiques nouvelles, il fallait que la ville se réforme pour pouvoir s'adapter à ces demandes. Est-ce qu'il y avait les mêmes débats qu'il y a aujourd'hui autour du Grand Paris? Est-ce que c'est aussi un terrain de bataille politique ou idéologique? Alors oui, effectivement, là c'est d'autres travaux plus sociologiques qui ont été menés, par exemple par Emmanuel Bélanger qui en parle excessivement bien. Oui, effectivement, de toute manière, tout ce qui touche à la ville touche aux politiques et c'est bien normal. Il y a effectivement entre le 4e arrondissement, 12e, 11e arrondissement des liens très forts qui vont aussi se tisser, et ça je l'ai bien repéré en 1919 en banlieue, c'est-à-dire que les maires de Vincennes, de Champigny sur Marne, etc., vont se fédérer et vont essayer de créer une petite coalition politique, toujours dans l'idée, en réalité, de défendre ce territoire. L'Est parisien, c'est un territoire que l'on doit défendre, et ça, des années 1920 jusqu'à presque à nos jours. On sait que l'Ouest parisien ira toujours très bien, il faut se défendre à l'Est, et c'est un peu ça que les ententes politiques ou les ententes humaines et amicales permettent de retisser à l'Est. Les paris du Grand Paris, c'est un débat d'aujourd'hui, mais c'est un débat qui dure depuis longtemps, et c'est avec Pauline Rossi que cette semaine qu'on redéroule cette histoire de Paris. On se retrouve demain pour le troisième épisode. Avec plaisir. Che boremba ma so la mamma già sai le gli lo la zor qua water barigio ai dari di ari ari an sho e mardon. Un autre jour est possible par Toufik Hakem tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Mon invité ce matin, Denis Lemasson. Le Denis Lemasson, médecin, écrivain, c'est bien de le préciser. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Plomb, Nous traverserons ensemble. C'est un roman noir avec tous les codes du genre, mais surtout avec un caractère documentaire qui traite des odyssées de misère d'aujourd'hui. Par exemple, de ceux des odyssées des Afghans qui tentent de fuir leur pays en guerre. Le jeune Zaher est un jeune réfugié afghan qui survit comme il peut dans un parc à Paris, et c'est là qu'il va mourir, poignardé, sous les yeux de Luc, un médecin du quartier qui, faute d'avoir pu le ranimer et le sauver, va mener l'enquête pour éclaircir ce meurtre. Donc c'est une enquête ? avec des rebondissements et des voyages de Paris au Pays Basque, d'Afghanistan au Pakistan, d'Iran en Grèce en passant par la Turquie. Et plusieurs personnages s'invitent et prennent la parole sans qu'on perde le fil de l'enquête. Un polar sociologique qui alterne les voix et les narrateurs, un roman choral, mais on peut le dire aussi, un roman militant. Vous avez été longtemps membre de Médecins Sans Frontières. Vous êtes allé en Afghanistan, Denis Lemasson. J'ai travaillé pendant 9 ans pour Médecins Sans Frontières, dont une année en Afghanistan, où je coordonnais les actions de MSF en Afghanistan, sur l'entièreté du territoire. Et ce roman, nous traverserons ensemble, part d'un fait réel, c'est-à-dire ce meurtre à Paris d'un jeune Afghan, et le médecin qui est témoin de ce meurtre, alors qu'il est avec sa fille, c'est vrai, c'est d'autant plus vrai que le médecin en question, il s'agit bien de vous. Les frontières entre le réel et la fiction sont poreuses, et au départ de l'écriture, de ce besoin d'écriture, il y a un fait réel, un événement que j'ai eu la nécessité de penser. Printemps 2009, je suis dans un square parisien qui s'appelle le square Villemain, près du canal Saint-Martin, avec ma fille. On est allé dans ce square pour faire du toboggan. Et quand je sors du square, que je connaissais pas jusqu'alors, je vois un jeune homme, les bras en croix, sur la pelouse, seul, qui de toute évidence n'avait pas l'air bien, et comme médecin, je vais essayer de lui venir en aide. Je m'approche du corps, il venait de prendre 5 coups de couteau, j'ai essayé de le ranimer, je n'ai rien pu faire, il est mort dans mes bras. Un événement traumatique, violent, comme ça, rapidement, parce qu'il avait des papiers sur lui, j'ai su qu'il était afghan. Événement d'autant plus troublant, que je venais de quitter Médecins Sans Frontières après 9 ans pour décider de m'installer comme médecin généraliste dans le 18e arrondissement. Et j'ai eu l'impression de me faire rattraper comme ça par la violence politique en plein Paris, au moment même où moi j'essayais de ne plus m'exposer volontairement au désordre et à la violence des guerres. Et l'enquête que mène le médecin de votre roman, est-ce que c'est une enquête que vous avez menée autour de ce meurtre de ce jeune Afghan? Ce roman, c'est plus d'un an d'enquête et presque 4 ans d'écriture. Suite au meurtre, j'ai ressenti la nécessité d'aller plus loin, de savoir qui il était. Il y avait sûrement un besoin de réparation. Après 9 ans de médecine humanitaire, on est témoin de massacres de grande ampleur, on passe d'une guerre à l'autre, j'ai fermé les yeux de nombreux enfants. Il y avait sûrement un besoin de réparation et... Frustré de ne pas connaître tous ceux à qui j'ai fermé les yeux, j'ai voulu savoir qui il était. Qui était ce jeune homme qui était venu et pourquoi il est de mort si loin? Et pourquoi on l'a assassiné? Comment il était arrivé jusque-là? Qui il était dans toutes ses dimensions? Ses dimensions physiques, sociales, psychologiques, sexuelles. Et essayer de raconter cette histoire complexe qui, au-delà de l'émotion que ça l'a suscité, pour moi c'était évident dès le départ qu'il y avait cette histoire-là, pointer quelque chose qui me dépassait, qui le dépassait même lui, qui nous racontait aussi un état du monde aujourd'hui. Comment se faisait-il qu'une violence dont j'avais été témoin des années avant en Afghanistan, cette violence venait comme ça, comme une métastase, se jouer en plein Paris dans un square du 10e arrondissement. Donc j'ai mené une enquête pour savoir qui il était. Donc j'ai rencontré ceux qui vivaient avec lui dans les rues de Paris. J'ai rencontré des réfugiés qui avaient voyagé avec lui de l'Afghanistan jusqu'à Paris. Mais j'ai aussi rencontré tous ceux qui pouvaient me raconter cette affaire du square Villemain. Les riverains, les policiers, les jardiniers de la ville de Paris. Les humanitaires aussi qui en prennent soin. Et ça m'a amené à découvrir un Paris off, un Paris à l'envers, qui était pourtant les lieux de mon quotidien, mais que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Par une sorte d'ironie tragique, le meurtre de l'un d'eux, de ces réfugiés, m'a permis de les voir et de constater qu'il y avait tout un ensemble de dispositifs policiers, politiques, conscients ou inconscients, qui les avaient maintenus invisibles à mes yeux, comme à la plupart d'entre nous jusque-là. Alors cette enquête aboutit, puisque vous allez remonter effectivement toutes les filières, pourquoi ne pas l'avoir publiée telle quelle, puisque vous avez passé beaucoup de temps à enquêter Denis Lemasson? Et vous avez décidé finalement de passer par la fiction pour raconter cette histoire. Pourquoi? Pour moi, la fiction, le roman, est la forme qui est la seule capable d'approcher la vérité au plus près. pour dire cette vérité, une vérité bien sûr bien relative, hein, celle que, celle de son auteur, celle que j'avais aperçue par bribes, il me semble qu'on a besoin d'une médiation, la médiation de la mise en écriture, pour pouvoir non pas décrire simplement le réel par une simple description, mais le donner à comprendre. Et mon obsession, c'était ne pas parler à la place de tous ces jeunes gens qui me racontaient leur vie, mais de leur faire une place pour donner à entendre leurs paroles. Et le roman, dans son aspect choral, par la multiplicité des narrateurs qui et donc qui des est possible, points de vue et des points de vue, permet d'approcher au plus près, je pense, la complexité de notre monde. Qu'est-ce qu'il y a de fictif dans ce récit ? Ce qu'il y a de fictif, c'est des coups de projecteur dans les zones d'ombre, qui fait du lien, qui font du lien entre des événements. Il y a aussi de fictif un aspect de concentration, c'est de plusieurs pour donner à comprendre. Je voulais aussi prendre des personnages qui nous disent vraiment qui nous disent quelque chose de ce qu'ils avaient vécu, qui sont des points d'intersection comme ça, de réseaux signifiants, et de plusieurs personnages, j'en ai fait certains que j'ai choisis qui vont nous donner l'entièreté de ce trajet tragique depuis l'Afghanistan jusqu'à Paris. Bien, quels sont les problèmes que vous avez eu à affronter en faisant votre enquête, Denis Lemasson ? Peu de problèmes. Il y a une nécessité de parole qui est dingue. Je me retrouvais au bord du canal Saint-Martin avec des réfugiés qui vivent quelque chose de dingue. C'est-à-dire qu'ils fuient un pays en guerre, ils essaient de fuir pour sauver leur vie. De l'Afghanistan jusqu'aux portes de l'Europe, ils sont aux mains de trafic, de mafias, en lien avec les militaires, les systèmes policiers qui les instrumentalisent, qui les tuent. Et ils viennent se fracasser comme ça contre cette Europe forteresse. On mène contre eux une guerre, presque 30 000 morts entre de 2000 à aujourd'hui. Pour ceux qui ont la chance et les moyens, parce qu'il faut, ce sont des héros. Il faut des ressources physiques, intellectuelles, dingues pour pouvoir passer à travers toutes ces épreuves. Et ceux qui arrivent chez nous sont condamnés à une forme d'anomie. C'est-à-dire ils ne sont pas reconnus par les gens, ils ne sont pas vus, il n'y a pas de reconnaissance administrative pour une immense majorité d'entre eux. Ils sont condamnés comme ça à une errance européenne où ils vont d'un pays à l'autre à la recherche d'une reconnaissance, d'un lieu où ils pourraient vivre leur vie. Qu'est-ce qui était le plus difficile ? Et c'est aussi une partie du roman, c'est être témoin de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on a vu, qu'on voit la condition de ces enfants, c'était pour la plupart là, qui vivaient dans les rues, c'est des enfants qui ont entre 8 et 15 ans, les plus vieux avaient 25 ans. Le plus dur pour moi, c'était, sachant tout ça, je ne pouvais pas rentrer comme ça chez moi le soir, tranquillement. Il y avait une nécessité éthique, politique, qui venait se poser en sus de l'écriture et d'un dispositif esthétique. Et comme le dit Mehdi, un des personnages, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Une fois que tu sais, que tu nous as vus, que tu as vu que la place du colonel Fabien, on était 150 enfants hiver 2009, que le canal était glacé, qu'il neigeait, et tu as vu que parmi 150 enfants, il n'y en avait que 23 qui avaient une place dans une cafétéria par terre, et les autres étaient remis à la rue. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et donc l'écriture m'a ramené vers l'action. Pour faire quelque chose pour ces enfants. Et à quelques-uns, on a réussi à trouver un lieu pour pouvoir les héberger l'hiver 2009. Et pour moi, il y a vraiment une continuité comme ça entre la littérature et l'action, qui a peut-être été oubliée dans le roman contemporain, et où l'événement, quand il est pensé, mis en écriture, par un travail, un vrai travail, qui est peut-être différent de celui, parce qu'on en parle beaucoup, des fameux migrants ou des réfugiés. Mais toutes ces techniques discursives, médiatiques ou humanitaires transforment bien souvent ces personnes en victimes, les privant de leur point de vue, les privant de leur subjectivité. Et le roman permet, par sa forme, de redonner du sens à leur vie. et aident, je pense, ceux qui sont avec eux à trouver des solutions pratiques pour leur venir en aide et puis essayer ensemble, puisqu'ils sont là, et c'est comme ça, essayer de vivre ensemble. Quand vous dites roman, moi je tiens à préciser roman noir, parce que vous épousez les codes du genre. Oui, il y a un meurtre, il y a une enquête, il y a un procès. Il y a des rebondissements. Il y a des rebondissements. On sait comment passe cette mafia, des passeurs, des arnaques, les flics, les coups durs, les fausses délivrances, tout ça est très bien consigné dans ce livre. C'est vraiment les odyssées d'aujourd'hui que vous nous racontez là avec cette histoire d'Afghans arrivant en France. Voilà. Et pour moi, c'était important de donner aussi une forme qui soit populaire, au sens le plus noble du terme, qui soit accessible et qui épouse une forme qui soit agréable. Et donc, je me suis replongé dans toute la littérature réaliste depuis Zola, qui pour moi est vraiment le père du roman noir et la bête humaine et le premier polar qui existait. Héritage, finalement, qui était en large partie écrit aux États-Unis à travers des auteurs comme Upton Sinclair dans la jungle, ou l'immense, pour moi, Homme invisible pour qui chantes-tu, de Ralph Ellison, qui ne font pas l'impasse sur la dimension sociale et politique de notre monde et ajoutent un dispositif éthique à leur dispositif esthétique pour l'intégrer dans l'écriture de leur roman. Nous traverserons ensemble, c'est le titre de votre roman, c'est édité chez Plon. Denis Lemasson, vous restez avec nous pour le questionnaire d'un autre jour. D'ailleurs, avant de commencer le questionnaire, Denis Lemasson, comment faites-vous pour partager entre deux missions? Vous êtes toujours médecin? Je suis toujours médecin. Et vous écrivez toujours? Ouais. Alors, comment vous faites? Donc, ma vie, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et donc, j'ai réparti mon temps j'ai un associé dans mon cabinet de médecine générale et on se répartit le temps une semaine chacun. Donc, il y a une semaine où je joue au docteur et l'autre semaine pendant laquelle je joue à l'écrivain. Mr. Hyde, donc. Mr. Hyde. Allez, première question: de toutes les villes que vous avez visitées, laquelle est votre préférée du moment? Du moment, c'est celle où j'habite. Paris. Pantin. Pantin, pourquoi? Pantin, parce que c'est un espace qui est en plein devenir, où il y a encore une mixité sociale importante, réelle, une vie associative dingue, et ça me semble là que, comme un laboratoire, comme l'entièreté de la Seine-Saint-Denis, qu'il se joue des choses pour notre futur. De tous les livres que vous avez lus, lequel auriez-vous aimé écrire? L'homme invisible pour qui chantes-tu de Ralph Ellison, qui décrit l'histoire d'un petit noir américain au début du XXe siècle et de sa difficulté à exister dans la société telle qu'elle était à cette époque. De tous les auteurs découverts et lus avant vos 17 ans, lequel ou laquelle ou lesquels vous accompagnent toujours? Il y a deux figures comme ça tutélaires qui sont Camus. Et la peste, et le médecin de la peste sûrement qui a beaucoup compté, et notre médecin Céline. Merci beaucoup d'être passé ce matin. C'est à vous de lire le générique de fin de l'émission, Denis Lemasson. C'était un autre jour est possible, le réveil culturel à retrouver sur franceculture.fr. Cette émission de Toufik Hakem a été préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet et réalisée par Thomas Duterre, avec ce matin à la technique, Éric Boisset.